La respiration 2844 a pour fonction de vous faire découvrir un chronomètre naturel du corps, le cœur. 2844, inspiration pendant 2 battements cardiaques, rétention de l'air pendant 8 battements cardiaques, expiration lente pendant 4 battements cardiaques et apnée vide, c'est-à-dire que vous conservez vos poumons vides pendant 4 autres battements cardiaques, puis vous reprenez le rythme 2844. Il est évident que ce rythme peut être augmenté à 4, 16, 8, 8, etc., selon vos besoins, selon votre goût et selon votre confort. Mais il est important de commencer avec le rythme 2844 avant de l'ajuster à son état. Plusieurs pourront facilement percevoir le battement cardiaque. D'autres devront s'entraîner un peu. L'avantage de se servir du battement cardiaque comme chronomètre est que plus le corps a besoin d'oxygène, plus la respiration doit être rapide et le cœur bat plus vite. Donc, être ajusté au cœur, c'est respirer plus rapidement. Et lorsque le corps a besoin de moins d'oxygène, le cœur bat plus lentement. De ce fait, on respirera plus lentement. Alors, on prend. On écoute son cœur et on prend 2 battements cardiaques en inspiration. On retient pendant 8 battements cardiaques. Lentement, pendant 4 battements cardiaques, on relâche sa respiration. Pendant 4 battements cardiaques, on reste vide. Et on reprend 2, 8, 4, 4. Entraînez-vous à respirer ainsi pendant au moins 5 minutes. Si possible, quotidiennement, avant de vous endormir, avant de manger, pendant le transport en autobus, quand vous voudrez. Mais il est important de prendre l'habitude de reconnaître son rythme cardiaque comme chronomètre naturel et de prendre l'habitude d'une petite respiration consciente. Pour ceux qui ont de la difficulté à percevoir le rythme naturel du cœur, temporairement, vous pourrez vous servir du métronome qui suit. Et progressivement, entraînez-vous à reconnaître votre cœur et à le suivre. Respiration en deux volets. Cette technique est déjà plus compliquée et vous demandera davantage d'efforts pour parvenir à son contrôle. C'est la technique de base pour ouvrir les capteurs d'énergie yan et d'énergie yin. Nous verrons cela plus loin. La respiration en deux volets vous fait diviser votre inspiration ainsi que votre expiration en deux étapes. Premièrement, inspiration avec les muscles abdominaux, surtout le diaphragme, puis inspiration avec les muscles sous-clavier, les muscles qui soulèvent les épaules pendant la respiration. Voici les deux volets de l'inspiration. Pour l'expiration, ce sera la même chose. Expiration en contractant le diaphragme, donc en faisant le ventre creux, et expiration en rabaissant les épaules, donc en se décontractant. Maintenant, pour bien parvenir à contrôler le système respiratoire des deux volets, nous allons pratiquer deux techniques. La première se trouve sur la fin de ce côté de cette cassette et la deuxième sur le début de l'autre côté. Voyons donc le travail abdominal. Couchez-vous sur le dos, les bras le long du corps, toujours dans une pièce tranquille où vous ne risquez pas d'être dérangé. Bien que cet exercice soit un exercice pour conscientiser une partie du système musculo-pulmonaire, il est agréable de le pratiquer, par exemple, avant de s'endormir. Bien étendu, prenez 3 respirations, 2, 8, 4, 4, pour commencer, pour relaxer. Maintenant, vous allez appuyer la paume de vos deux mains sur votre abdomen, les deux doigts du majeur se rejoignant au niveau du nombril. Il est important d'avoir les épaules bien relaxées. Le premier volet de l'inspiration de la respiration en deux volets est l'inspiration abdominale. Donc, on doit gonfler uniquement la partie abdominale et ne pas bouger le reste du système musculo-pulmonaire. Les épaules resteront relaxes et, comme nous le verrons dans un autre PMC, les muscles intercostaux resteront eux aussi relaxés. Alors, on y va avec inspiration abdominale, toujours par le nez. On inspire en gonflant le ventre, c'est-à-dire qu'on fait le gros ventre, mais on ne doit pas sentir les épaules ou les côtes bouger. Vos pouces, vous allez les placer sur vos côtes, près du sternum, un peu en haut du nombril, et on y va, uniquement avec l'abdomen. Pour l'inspiration, on gonfle l'abdomen. Pour l'expiration, on laisse descendre l'abdomen, mais on va la forcer un peu, c'est-à-dire qu'on va faire le ventre creux. On creuse l'abdomen tout en expirant de l'air. Et cela est bien important à comprendre, on doit expirer de l'air. Sinon, l'air est uniquement transféré d'une partie pulmonaire à une autre. On y va. Il n'est pas nécessaire de faire de bruit en respirant. Le bruit que je fais est uniquement pour vous aider à me suivre. On doit bien sentir l'abdomen gonflé, les pouces vérifient que les côtes ne bougent pas et nous devons prendre conscience à ce que les épaules ne bougent pas. On recommence. Maintenant, vous allez vous placer en position à genoux. Vous allez donc vous asseoir. Ceux qui ont de la difficulté, vous placez des coussins entre le plancher et vos chevilles ou entre vos fesses et vos talons. Doucement pendant le mouvement, on y va lentement. On se place en position à genoux. Les mains toujours sur l'abdomen, les majeurs se rejoignant au nombril, les deux pouces sur les côtes, près du sternum. Même chose, on gonfle uniquement l'abdomen. Vérifiez ce que vos épaules ne montent pas, contrôlez bien vos côtes et ne gonflez que l'abdomen. Inspiration, premier volet. Expiration, premier volet, uniquement l'abdomen, on fait le ventre creux. Vous pouvez appuyer sur l'abdomen avec vos mains pour vous aider si cela est nécessaire. On reprend. Entraînez-vous à faire cet exercice pendant quelques temps avant de passer à l'exercice sous clavier. Les égos sont souvent très pressés. Le corps physique, lui, doit prendre son temps. Vous devez conscientiser et contrôler. C'est la respiration consciente. Restons.